Chapitre 2e. Mais voici Pâques fleurie, un gai dimanche de vent aigre et de clair soleil. Tout le monde s'est souvenu du proverbe « En avril, notre pain file ». Mais Paris a quand même un air de fête. Les femmes, un peu honteuses de leur toilette d'hiver, aujourd'hui fanées, reviennent de l'église avec du buis qui sort de leurs manchons. Car tout le monde en a du buis, et les chevaux d'omnibus eux-mêmes portent un petit rameau près de l'oreille. Le père Bourgueil, qui s'était attardé la veille au café et qui a fait sa manie jusqu'à minuit, se réveille tard. Il est d'une humeur massacrante. Hier soir, au dessert, sa femme lui a encore parlé d'Édouard et a tâché de l'apitoyer. Elle avait pris des renseignements. Elle savait que la femme de leur fils, car après tout c'est leur bru, on ne peut pas dire le contraire, n'était pas une rien du tout comme il l'avait cru d'abord. Oh, une pauvre fille, sans doute, qui avait d'abord été corsetière. Mais voyons, qu'est-ce qu'ils étaient eux, les parents? Des ouvriers, parvenus, et voilà tout. Ils n'avaient jamais espéré, n'est-ce pas? Établir leur garçon au faubourg Saint-Germain. Quand Édouard avait fait la connaissance de son Angelina, un vilain nom, si vous voulez, mais c'était pas sa faute. Eh bien, elle était sage, ou à peu près. Et dans tous les cas, depuis qu'elle vivait avec leur fils, ou bien avant qu'ils fussent mariés, rien à dire sur le compte de la petite. Oh, mais, tu sais, Bourgueil, pas ça. Est-ce que vraiment, il ne finirait pas par avoir un peu d'indulgence pour ses malheureux enfants? Car, mon vieux, ils sont dans la misère, oui, dans la misère. À cette compagnie d'assurance, où il a trouvé un emploi, devine ce que gagne notre Édouard. 200 francs par mois, ce que tu dépenses d'argent de poche pour tes cigares et ton café. Ces choses-là crèvent le cœur. Oh, je ne te demande pas de les voir, mais les aider un peu seulement, quand nous nous gobergerons, est-ce que ce ne serait pas juste? Et la pauvre vieille, comme son mari, ne répondait rien, et tournait pensivement entre ses doigts le petit verre qu'il venait de vider, avait quitté sa place, fait le tour de la table, posé sa main, timidement, sur l'épaule du chef de famille irrité. Vain effort. Papa Bourgueil s'était tout à coup rappelé qu'il était un Romain. Avait vomi des malédictions, hurlé son éternel « jamais ». Donc, ce matin, il était singulièrement triste et maussade, le vieux maître maçon. Il était nerveux, et s'est coupé deux fois en se faisant la barbe. Fichtre, non, il ne sera pas assez jobard pour faire des rentes à monsieur son fils. Un Romain, vous dis-je. Est-ce qu'à sa place, le vieux Brutus aurait fait des rentes? Dire que la veille, il avait été sur le point de s'attendrir. Voilà ce que c'est que d'écouter les femmes. Pas d'énergie pour deux sous, les femmes. » Et raffermi dans ses résolutions, le père Bourgueil met une chemise blanche et son complet gris des jours fériés. Car bien qu'il ait vendu son fonds depuis quelques années, il a gardé en homme traditionnel le costume de sa profession, les habits gris pour aller sur le chantier, qui ne craignent pas le plâtre. Il descend au salon, ce salon dont il était si fier, lorsque les choses l'intéressaient encore. Et il regarde la pendule sur laquelle Galilée en bronze doré. Pourquoi Galilée? Montre du doigt un globe de marbre qui est le cadran et semble affirmer qu'il tourne. Le globe ne tourne pas. Peut-être pour donner raison à l'Inquisition devant laquelle l'illustre mathématicien abjura son hérésie. Mais le cadran marque 11 heures. Et le bonhomme qui ce matin, à bon appétit, s'impatiente à la pensée qu'on ne déjeunera qu'à midi. Alors, la mère Bourgueil revient de la messe avec un gros paquet de buis qu'elle pose sur le guéridon et qui, soudain, emplit la chambre de son odeur fraîche et forte.